Chapitre 5. Je viens, ma sœur, ma fiancée, dans mon jardin. Je viens récolter ma myrrhe. Je viens cueillir mes aromates. Je viens manger mon rayon avec mon miel. Et je viens boire mon vin avec mon lait. Mangez, amis, et buvez. Oui, buvez jusqu'à l'ivresse, mes bien-aimés. Je me suis endormie, pourtant mon cœur veillait. J'entends mon bien-aimé frapper. Ma sœur, mon amie, ouvre-moi, toi ma colombe, toi ma parfaite, car j'ai la tête couverte de rosée, mes boucles sont trempées des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? Et j'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé avance sa main par l'ouverture, mon cœur en a frémi, et je me suis levée pour aller lui ouvrir. De mes mains, goutte à goutte, de la myrrhe a coulé. De la myrrhe onctueuse a goûté de mes doigts jusque sur la poignée du verrou de la porte. J'ouvre à mon bien-aimé. Hélas, mon bien-aimé était déjà parti. Il s'en était allé, et son départ me rendait éperdu. Je l'ai cherché, mais ne l'ai pas trouvé. Et je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Les gardes m'ont croisé en faisant le tour de la ville. Les gardes m'ont frappé et ils m'ont maltraité. M'ont arraché mon châle, les gardes des remparts. Ô fille de Jérusalem, ô je vous en conjure, si vous le rencontrez, mon bien-aimé, annoncez-lui que je suis malade d'amour. Qu'a donc ton bien-aimé de plus qu'un autre? Dis-nous, toi la plus belle parmi toutes les femmes. Oui, qu'a-t-il donc ton bien-aimé de plus qu'un autre, pour que tu nous conjures de façon si pressante? Mon bien-aimé a le teint clair et rose. On le distinguerait au milieu de 10 000. Sa tête est comme de l'or pur, ses boucles sont flottantes comme un rameau de palme et d'un noir de corbeau. Ses yeux sont des colombes sur le bord des cours d'eau, ils baignent dans du lait et sont comme enchâssés dans un chaton de bagues. Ses joues ressemblent à un parterre d'aromates exhalant leur parfum. Ses lèvres sont des lys distillant de la myrrhe onctueuse, et ses mains, des bracelets d'or incrustés de topazes. Son corps est d'ivoire poli, émaillé de saphir. Ses jambes sont semblables à des piliers de marbre sur des socles d'or pur. Son aspect est pareil à celui du Liban et d'une beauté sans égale, comme les cèdres. Son palais est plein de douceur et toute sa personne est empreinte de charme. Tel est mon bien-aimé, oui, tel est mon ami, ô fille de Jérusalem.